Paradis. Jannah. Le paradis est la demeure du bonheur éternel qu'Allah le Tout-Puissant a préparé pour ses pieux serviteurs. Une réjouissance que nul œil n'aura vue et nulle oreille n'aura entendue. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Allah le Très-Haut a dit « J'ai préparé pour mes serviteurs ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu et nul cœur n'a imaginé. » Abu Huraira, le rapporteur du hadith, a alors dit « Si vous le voulez, récitez. » فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Et nulle âme ne sait ce qu'on leur a préparé aux habitants du paradis en récompense de leurs œuvres. 17e verset de la sourate La Prosternation. Hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim et Tirmidhi. Ceux qui seront admis au paradis obtiendront ce qu'ils désirent. Le paradis a 8 portes. L'une d'entre elles est appelée Riyan. Seuls les jeûneurs entreront par cette porte et personne d'autre. Quand ils seront entrés, elle sera fermée et plus personne ne pourra y entrer. Hadith rapporté par Al-Bukhari. La majorité des gens du paradis seront les pauvres. Leur vaisselle sera en or et en argent. Leurs habits seront des vêtements verts, en soie fine et en brocart. Ils porteront des bracelets d'argent. Ils se reposeront sur des divans ornés et ils ne seront pas accommodés par la chaleur ardente du soleil ou par un froid glacial. Ils seront à l'ombre, il y aura des sources, des fruits et ils auront ce qu'ils désireront. Au paradis se trouve la rivière Al-Kawthar, dont l'eau est plus blanche que le lait, plus douce que le miel, et dont les rives sont faites de tentes de perles creuses. Le paradis a différents niveaux. Le plus haut est Al-Firdaus. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Lorsque vous demandez à Allah, demandez-lui le Firdaus. » Allah le Très-Haut a dit concernant les habitants du paradis والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Ceux qui patientent dans la recherche de l'agrément d'Allah accomplissent la prière et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué et repoussent le mal par le bien, à cela la bonne demeure finale, les jardins d'Éden, ils y entreront, ainsi que tous ceux de leurs ascendants, conjoints et descendants qui auront été de bons croyants. Les anges entreront auprès d'eux de chaque porte, ils leur diront « Paix sur vous, pour ce que vous avez enduré, comme est bonne votre demeure finale. » Du 22e au 24e verset de la sourate Le Tonnerre.